À l'occasion de la journée de la brillante étoile, le rassemblement a eu lieu au Congo démocratique, la séance de lecture sur l'œuvre classique du général Kim Jong-il en Roumanie et le séminaire sur les exploits du général en Éthiopie. Y ont pris part les personnalités des milieux politiques et sociaux des pays hôtes et les habitants. Par ailleurs, le rassemblement central péruvien pour la journée de la brillante étoile a eu lieu au siège du Parti communiste Patrie Rouge, sous les auspices du comité préparatoire péruvien pour le 75e anniversaire de naissance du général Kim Jong-il.